ce sont des players. Je suis loin d'être le meilleur. Si t'aimes pas, va voir ailleurs. D'ailleurs, c'est du rap mitrailleur. T'es jaloux, pourquoi tu baves quand t'écoutes? Alors la série, tu me dégoûtes. Tirageux, trace ta route. Moi, je suis au pied pour tout niquer, je te le répète. À la base, c'est une passion, mais le son nous retourne la tête. Question de thune, question de répute. Moi, tout ça, ça me répugne comme un fils de pute. Pourquoi se faire la guerre? C'est déjà assez l'enfer. Unissons nos flots, nos textes et tous ensemble sur le terre-terre. Abattons les racistes et y'a du monde sur la liste. Française de ouf sur la piste. France de ouf, c'est l'artiste. Tu pises, t'en as de toute catégorie, l'info dans la tête. Suffit pas d'être galbé comme un gorille. Le man que tu croyais peut-être est bon ou pas. C'est mis à fond dans le peur à l'apprentissage sur le tas. On rêve tous d'une belle vie, brasser des millions. On rêve tous d'une belle vie, brasser des millions. On rêve tous d'une belle vie, brasser des millions. On rêve tous d'une belle vie, brasser des millions. On a tous le but d'être riche et on rêve de l'atteindre. C'est pour ça qu'on veille la nuit ou qu'on se lève le matin. C'est ce qui pousse une pute de luxe à faire le tapin. C'est le choix de devenir chasseur pour ne jamais être le lapin. Et vu qu'on n'a pas d'action, peu de chance à l'euro million ou d'auger à Matignon. On passe par la transaction, mais dans cette course on veut tous des dollars, monsieur. Donc beaucoup d'entre nous repartent les larmes aux yeux. Si t'en ressors grandi, tu seras le boss. Tu décideras oui ou non, de répondre aux questions qu'on te pose. Mais si tu crois tenir les rênes, il prouvera que tu te trompes. Si t'as pas de love, la meuf que tu love finira par rompre. Si t'es un flic maladroit, il viendra te corrompre. Il peut donner au crapaud la beauté de la colombe. Nous pousser à faire du mal et à acheter des biens qu'on n'emportera jamais dans nos tombes.